Ouais, ouais. Ouais. Ah, ouais, ouais. Mmh, ouais. Ah, ah. Nada. Nada. Nada. Ça a l'air comme un chien, ça. Moi je galère dans ma vie, je ne me bats pour un rien. Je kiffe tous mes amis, mais ça ne me sert à rien. Je joue à la console à longueur de journée. Et je traîne dans les rues comme un gros assoiffé. Quand tout à coup je vois un barbu qui me fait un sourire. S'il vous plaît, vous êtes juif? Ça se voit quand que ça. Avez-vous mille de filines? Oui, juste à ma bar mitzvah. Quoi, faut les mettre tous les jours? Mais oui, mon petit gars. יחי אדוננו, מורנו ורבנו, מלך המשיח לעולם ועד. יחי אדוננו, יחי אדוננו, יחי אדוננו. C'est quoi tout ce bazar, je vois pas ça sert à quoi. Un cube noir sur la tête, des fils autour du bras. Il me dit t'es libre ce soir, je donne un cours de Tania. Si tu viens, si t'écoutes, un jour tu comprendras. Y'a un rabbi, et vois-tu, il connaît tes problèmes. Du travail, de l'argent, il maîtrise tout le système. Connais bien le bon Dieu, ils s'entendent très bien. Tu peux même lui écrire, il t'enverra une bracha. Y'a un rabbi, et vois-tu, il connaît tes problèmes. Du travail, de l'argent, il maîtrise tout le système. Connais bien le bon Dieu, ils s'entendent très bien. Tu peux même lui écrire, il t'enverra une bracha. יחי אדוננו, מורנו ורבנו, מלך המשיח לעולם ועד. יחי אדוננו, מורנו ורבנו, מלך המשיח לעולם ועד. יחי אדוננו, יחי אדוננו, יחי אדוננו, יחי אדוננו, יחי אדוננו, יחי אדוננו. Allez d'accord, j'y vais, j'ai plus rien à perdre. Je me pointe chez le barbu, il me dit Baruch Haba. Qu'est-ce qu'on fait à présent? Il me sert un verre de vodka. Puis il rentre dans le sujet du roi de la Géoula. Je commence à écouter, mais j'ai des tas de questions. Grave la vie, les soucis, et pourquoi la religion? T'as une âme du bon Dieu, elle est toujours en toi. Si t'écoutes le rabbi, un jour tu la ressentiras. Allez bois, les chaim, echaim ou bracha. C'est la fin de l'exil, le début de la Géoula. Allez bois, les chaim ou bracha. C'est la fin de l'exil, Mashiach est là. יחי אדוננו, מורנו ורבנו, מלך המשיח לעולם ועד. יחי אדוננו, מורנו ורבנו, מלך המשיח לעולם ועד. יחי אדוננו, מורנו ורבנו, מלך המשיח לעולם ועד. יחי אדוננו, מורנו ורבנו, מלך המשיח לעולם ועד. יחי אדוננו, יחי אדוננו. יחי אדוננו, יחי אדוננו, יחי אדוננו, יחי אדוננו, יחי אדוננו, יחי אדוננו. Allez, c'est décidé, je vais m'acheter un chapeau. Et je vais même me faire pousser la barbe. Ah oui, j'adore trop le Tania, oui, c'est super. La tefila demain à 9h, ouais d'accord, on y va, pas de soucis. Ouais ouais, on se voit Shabbat, super. Et tu ramènes la vodka aussi, hein. Ah non, n'oublie pas, hein. Ouais, Yechi Ameler. Allez, salut. Admosai. יחי אדוננו, מלך המשיח לעולם ועד. Yechi Adoneinu, Yechi Adoneinu, Yechi Adoneinu, Yechi Adoneinu, Yechi Adoneinu.